بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le soleil et son éclat, par la lune quand elle le suit, par l'illumination du jour, par la nuit quand elle le voile, par le ciel et celui qui l'a édifié, par la terre et celui qui l'a étendue, par l'âme et celui qui l'a parfaite, et qui l'a rendue apte à juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Réussira certes celui qui la purifie, tandis que sera perdu celui qui la corrompt. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Par transgression, les Samoud ont crié au mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager de Dieu leur dit : c'est la chamelle de Dieu, laissez-la boire. Les Samoud le traitèrent de menteur et tuèrent la chamelle. Leur Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et les anéantit. Il ne craint nullement leur disparition.